Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question d'un membre de la communauté Esprit Gagnant. Faut-il investir en LMNP ou en société? Avant de démarrer cette vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien. J'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo, en dessous ou au-dessus. Tu as juste à me mettre ton prénom et ton email. Alors la question, faut-il investir en société ou en LMNP? Elle revient très souvent quand on me pose des questions et je vois dans plein de groupes d'investisseurs. Alors, tu as investi en société, en LMNP, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, je vais te décevoir, mais la réponse, elle est très personnelle. Si je te donne ma stratégie, potentiellement, si tu l'appliques, elle ne te correspondra pas. Donc, en aucun cas, je vais te donner ma stratégie, je vais te donner juste mon point de vue. Il va falloir le mettre, le transposer à ta situation personnelle. Le plus important, c'est de passer à l'action. Que ce soit en LMNP, en société ou en tout ce que tu veux, si tu ne trouves pas un bien rentable, il ne sera jamais rentable quel que soit le statut que tu vas choisir. Ensuite, ce que j'ai envie de te dire, c'est que mon point de vue, c'est de se simplifier la vie au début. Le plus important au début, c'est de focaliser sur le bien intéressant à trouver. Le bien qui va être rentable, la bonne affaire, comme on dit. Donc pour rappeler, la bonne affaire, c'est quand tu vas te la créer. Comment tu vas te la créer? Soit avec une anomalie du marché, soit une belle négociation, dirons-nous, ou soit un bien avec beaucoup de travaux, et du coup tu vas l'avoir largement au-dessous du prix du marché, tu vas faire l'effort de travaux, et derrière, tu vas avoir une très bonne rentabilité. Tu vas te créer ta bonne affaire. Moi, je préfère que tu te focalises là-dessus, et qu'ensuite tu investisses comme tu veux en LMNP ou en société. Ça va dépendre de ce que tu veux faire, ça va aussi dépendre avec qui tu investis, si tu investis avec des copains, avec des amis. La société pourrait être un peu plus intéressante, un peu plus souple. Maintenant, si tu vas investir en LMNP, pour moi, aujourd'hui, ça reste l'une des dernières niches fiscales. On ne sait pas jusqu'à quand, mais à ce jour, ça reste pour tes premiers biens. Pour moi, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Tu peux foncer sur du LMNP et investir. Tu vas pouvoir amortir une partie du bien. Tu vas pouvoir amortir énormément de choses. Tu peux, selon ton calcul, avoir une fiscalité flat au moins environ, au moins 5 ans, mais normalement tu peux aller jusqu'à 8 ou 10 ans. Donc à ta place, je foncerai directement sur du LMNP, sur mes premiers investissements, et je commencerai à me poser la question dans un deuxième temps. Maintenant, je ne te connais pas personnellement, donc dis-moi dans les commentaires ta situation à la limite, et j'y répondrai. Maintenant, si tu as déjà une société, et que si tu veux monter une holding avec une foncière à côté, ça peut être différent, tu peux avoir une stratégie complètement différente. Mais d'une manière générale, toi qui commences dans l'investissement immobilier, qui est débutant et qui veux acheter un bien, deux biens, trois biens, arrête de te poser des questions qui vont te faire perdre du temps. Pose-toi les vraies questions qui vont te faire gagner du temps, c'est-à-dire quel bien je vais acheter, comment je fais pour avoir cette opération, ce que tu appelles cette bonne affaire, comment faire cette opération rentable et intrentable dès maintenant. C'est ça que tu dois te poser comme question. Comment je fais pour faire une opération rentable dès maintenant? Et j'ai envie de dire, quelle que soit ta fiscalité, je vais pouvoir t'encourager à faire du LMNP plutôt que du NU. Encore que si tu fais ça dans un village où où tu loues un F4 de 120 mètres carrés, le meublé ne va pas forcément s'y prêter et tu vas être obligé d'aller sur du NU. Donc ta stratégie, elle est assez personnelle. Mets-moi dans les commentaires. Je m'engage dans cette vidéo à répondre à tous vos commentaires. Vous mettez vos commentaires avec votre situation et je vous dirai, pour moi, si je pense que tu dois plutôt partir sur telle ou telle stratégie, à la limite. Maintenant, la société, dis-toi que c'est dans un deuxième temps, parce qu'il y a quand même une lourdeur au niveau de la structure à mettre en place, même si ce n'est pas énorme, il y a quand même une certaine lourdeur, il y a des frais additionnels. Et si tu me regardes, concentre-toi sur ton bien, achète plusieurs biens et ensuite tu te poseras des questions au niveau de la société, au niveau de l'optimisation avec une société. Aujourd'hui, avec le LMNP, tu n'as pas besoin de te prendre trop la tête. On parle de 100, 200, 300, 1 million d'euros. Après, effectivement, si tu commences à avoir une société avec un chiffre d'affaires de 2, 3, 4 millions d'euros et qu'ensuite tu veux développer une foncière à côté, c'est autre chose. Mais là, je te parle du cas basique où tu veux investir, tu veux commencer à investir, ou alors tu as déjà un ou deux biens, ou tu as ta résidence principale, et donc tu veux faire acheter plusieurs biens. Aujourd'hui, si tu vas sur des petites surfaces, fais directement du LMNP tranquillement. Et tu vas voir, au fur et à mesure, tu vas pouvoir diversifier ta stratégie. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like. Partage-la à des amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier. Mets-moi des commentaires. Tout cela me permet de monter dans les moteurs de recherche et de faire savoir au plus grand nombre qu'Esprit Gagnant est là pour aider les investisseurs à devenir rentables. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, c'est totalement gratuit. D'ici là, je te dis porte-toi bien, passe à l'action. Ciao, ciao!